non, non, non, pas cher. Et fort probable. Donc, pas... On va attaquer. Oui, je peux attaquer. Bon, ça c'est le titre. Donc voilà, en gros, les questions sociologiques qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, c'est d'interroger une tendance en cours qu'il y a dans de nombreux pays. C'est la tendance à la différenciation des carrières des universitaires ou des carrières dans la science en général. Et de manière générale, ce qui ressort, un fait social très, très important qui ressort des études internationales, c'est justement cette grande tendance à la différenciation qui peut prendre des modalités différentes selon les pays, étant donné les grandes divergences selon les différents systèmes nationaux d'enseignement supérieur et de recherche. Mais de manière générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 30, 40 ans, il y avait des modalités relativement restreintes de développement de carrière et qu'aujourd'hui, ça foisonne de plus en plus. Dans cette littérature-là, la France paraît comme une exception, d'une certaine manière, bien souvent. La France est dépeinte comme un modèle qui est moins différencié que les autres. Et c'est en partie relié au fait que les réformes de l'enseignement supérieur ont été moins soutenues que dans d'autres pays, ce qui est vrai. Notamment si on compare avec la Grande-Bretagne, avec les Pays-Bas, avec... l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont vraiment des cas où les réformes ont été relativement importantes. En revanche, la France est un cas d'école, sans faire de jeu de mots, de segmentation du secteur scientifique de manière générale, au-delà du public privé. Il y a aussi des grands clivages ou des grandes lignes de partage entre évidemment les universités et les autres types d'établissements. Et puis les universités et tous les établissements de recherche de type CNRS, INRA, etc. Donc nous, l'objectif idéal, ce qu'on voudrait faire, c'est rendre compte des parcours d'emploi des chercheurs, des enseignants-chercheurs, pour vraiment documenter cette question, pour voir si en France, en fait, on ne trouverait pas aussi des logiques de différenciation. Et les travaux existants sur le cas français ouvrent des pistes. Il y en a beaucoup moins que sur d'autres pays, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ce qui a été ouvert comme piste, c'est évidemment les différences de carrière selon les disciplines. Il y a les travaux de Christine Musselin qui montrent que si on fait une carrière en histoire, en biologie ou en gestion, eh bien, il y a des modalités qui sont extrêmement différentes. Et notamment en termes de temporalité, c'est une question qu'elle a beaucoup développée avec ses co-auteurs, c'est la question du temps d'accès au professorat. Combien de temps les maîtres de conférences mettent pour devenir professeur? Ils ont fait des analyses de survie notamment. Et une autre question qui a été très très développée par la littérature internationale, mais aussi en France, c'est la question de qu'est-ce qui détermine l'aboutissement des carrières ou la forme des carrières professionnelles dans ce secteur. Et donc il y a des travaux qui se sont attachés à objectiver le rôle de la productivité scientifique, les inégalités liées au sexe, voilà. Etc. Alors, peut-être ce qu'on propose de faire, donc à l'heure actuelle, on va décrire les données dont on dispose à l'heure actuelle, mais c'est vrai que on a remarqué que dans la littérature sur le cas français, très souvent, on ne prenait comme unique point de référence que le passage de maître de conf à professeur. Nous verrons qu'il y a matière à élargir un peu le spectre. Que par ailleurs, les études font des focalisations sur certaines disciplines en présumant que, par exemple, le clivage entre disciplines des lettres, des sciences et du droit est établi et qu'il suffit de prendre une discipline de chacune de ces facultés, pour le dire vite, pour rendre compte de la diversité, ce qui nous paraissait une hypothèse un peu forte. Et par ailleurs, la diversité entre établissements, alors si c'est fait, c'est toujours en prenant quelques établissements de référence, mais sans chercher à couvrir l'intégralité du spectre. Donc, sans surprise, notre objectif, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble des disciplines, l'ensemble des établissements. Je tiens à préciser que si dans la littérature, cela n'a pas été fait jusqu'à présent, ce n'était pas un manque de données. On part de données que certains ont déjà vu, mais il y a eu cette espèce d'hypothèse de départ qui est on va s'intéresser qu'aux maîtres de conf qui deviennent profs ou pas, que à quelques disciplines et globalement pas aux établissements. Voilà, on part donc de l'outil qui nous est initialement, enfin tout de suite paru le plus approprié pour étudier les carrières, sans grande surprise, c'est l'analyse de séquences. Donc, présentation rapide des données. Donc, suite à une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on a récupéré ce qu'ils appellent le fichier historique, c'est-à-dire une photographie annuelle de 1984 à 2014 de l'ensemble des enseignants-chercheurs donc relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. On n'a pas le CNRS, on n'a pas l'INRA, mais on a donc l'ensemble des universités, les IEP, les ENS, voilà, ce genre de choses. Et donc on a une photo annuelle, par exemple, en 1984, on sait combien il y avait d'individus à tel statut, dans tel établissement, dans telle discipline, on a leur sexe, leur année de naissance, et on a un identifiant unique pour chaque individu, ce qui veut dire que si un individu est là en 1984 et en 1985, on peut voir si, par exemple, il a changé d'établissement, changé de discipline, changé de sexe, changé de statut, etc. Ce qui nous donne donc 120 092 individus et voilà à peu près 1 600 000 observations annuelles. On a 53 disciplines, on n'a pas la médecine et la pharmacie, ça aussi c'est une délimitation du périmètre de données. Donc tous les établissements rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc 332 établissements. On ne dispose pas pour le moment, mais c'est peut-être amené à changer, d'informations sur la production scientifique, ce qui est quand même évidemment un gros biais pour essayer de comprendre l'évolution des carrières, parce que c'est quand même pas complètement décorrélé. Mais voilà, avec ça, on peut et on se propose une approche générale tenant compte donc, de l'ensemble des statuts, des disciplines et des établissements. Mais ce n'est pas exactement de ça dont on va vous parler aujourd'hui, mais c'est toujours bien de préciser un peu ce qu'on fait. Donc là, description rapide. Alors, il va falloir s'habituer au code couleur, je vous préviens. Donc, il y a 6 statuts. Nous avons conservé, pour des questions de fiabilité des données et de diversité, il y a 6 statuts. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, ce que veut dire AM2D, ce sont des enseignants secondaires détachés dans le supérieur, c'est-à-dire des individus qui ont le CAPES ou l'agrégation et qui sont détachés dans l'enseignement supérieur pour enseigner, éventuellement rechercher. On peut dire que communément, on les appelle les PRAG ou les PRCE. Quoi. C'est ça. Mmh. Voilà. Les individus en vert, ce sont les maîtres assistants. Donc ça, c'est une catégorie qui, comme vous le voyez, donc là, voilà, qui a progressivement disparu. Alors, c'est pas une extinction, enfin c'est une extinction de statut, mais pas d'individu, vu qu'il y a eu en fait un progressif redénomination des maîtres assistants en maîtres de conférence. En rouge, ce sont les maîtres de conférence. En jaune, ce sont les maîtres de conférence hors classe. En marron, ce sont les professeurs associés, c'est-à-dire des individus qui souvent viennent, par exemple, du monde professionnel, et se retrouve invité en tant que professeur pour une période limitée à 3 ans, renouvelable une fois, si je ne me trompe pas. Il y a selon les cas. Voilà. Et enfin, en rose, ce sont les professeurs. Bon, vous voyez l'évolution dans le temps. On ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir si vous voulez. Ce n'est pas le cœur de notre présentation. Donc là, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de nous restreindre à une sous-population de ce qu'on vient de vous montrer. C'est-à-dire des individus dont on peut deviner qu'on a, pour la plupart, le début de la carrière et qu'on peut suivre pendant au moins 20 ans consécutifs dans le fichier dont on dispose. C'est-à-dire, donc là, il s'agit de 15 641 individus qui donc ne sont pas rentrés en 1984 parce qu'il est probable qu'un individu qui est là en 1984 peut avoir été là avant et donc là, on n'a pas d'infos. Donc on part de 85. Et on regarde parmi les gens qui apparaissent à partir de l'année 85, ceux qui sont restés au moins 20 ans. Hop, donc ça représente ce qu'il y a à droite, ce qui est séparé, c'est-à-dire 15,8% de nos individus sont restés 20 ans ou plus dans le fichier historique. L'effet de censure est que, bien évidemment, tous les gens qui sont rentrés après 1985, 5, on ne les a pas. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils font, leur, dit leur 20e année, vu qu'ils c'est cette année. Voilà. Donc là, bon, tu veux dire un mot là-dessus ? Bah, c'est une chose de base qu'il faut faire, quoi. Quand on travaille sur un échantillon, on peut quand même comparer la structure de cet échantillon au regard de la structure de la population de référence. Sachant qu'on connaît la population de référence, on a des données exhaustives sur l'ensemble des, bah, des corps que vient de décrire Yann. Et donc ce qu'on observe, c'est des différences importantes en termes de discipline, notamment dans notre échantillon, il y a une surreprésentation des enseignants-chercheurs qui ont débuté leur carrière dans le domaine science. Mmh. Une sous-représentation des professeurs associés et une sur-représentation des individus présents l'année de 2014. Ouais, donc on ne sait pas si leur carrière a fini ou pas, ou si elle va continuer en 2015, 2016, etc. Et puis, de manière générale, ça c'est tout à fait logique, l'âge moyen de ces individus est plus élevé que l'âge moyen des individus présents dans le fichier. Ouais. Alors je reviens juste, là. À mon avis, là, l'une des informations importantes, enfin, ce qui confirme le fait que quand on est professeur associé, en général, on n'a pas une carrière longue dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est souvent un passage avant de revenir dans le monde professionnel. On peut revenir juste pour information. Il y a 33% de femmes, un tiers de femmes. Il y a 10% d'étrangers en gros. 90% des gens qui sont affectés, dont leur premier établissement d'affectation est une université. Voilà. L'être, c'est au sens large. Alors, on reprend. Donc, chaque individu est affilié à une section du Conseil national des universités. Et le Conseil national des universités regroupe ces sections, notamment, en trois grands groupes de disciplines. Donc on part par la plus petite, le droit, c'est histoire du droit, droit public, droit privé, sciences politiques, économie, gestion. Et donc lettres, c'est lettres, sciences humaines et sciences sociales, et sciences, c'est la philosophie. Voilà, donc on part du principe qu'on va faire démarrer nos séquences à la première année d'arrivée dans le fichier historique. Ça peut paraître naturel vu comment on a présenté les choses, mais souvent ce qu'on fait, c'est on va prendre par exemple l'âge. On va ajuster nos gens en fonction de leur âge, ou on va prendre, je ne sais pas, l'âge d'entrée au poste de maître de conférence, ou la première année au poste de maître de conférence. Nous, on prend comme le temps d'entrée dans le fichier historique. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et donc, ce qui fait que ne présupposant pas un effet génération ou âge, on peut par ailleurs en prendre la mesure. Donc juste, les séquences, c'est donc des séquences d'emplois définies par une succession d'emplois, en gros de catégories professionnelles occupées par les individus année après année. C'est ce qu'on appelle une séquence, et en gros c'est une façon de modéliser la trajectoire professionnelle des 15 000 personnes dont on va analyser le parcours. Absolument. Donc là, je vous présente donc, une œuvre d'art contemporaine qui est un agencement aléatoire, mais qui est assez pratique pour vous expliquer en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Si tout le monde connaît, on peut passer très vite. Mais donc là, on a nos 15 600 et quelques individus. C'est-à-dire que chaque individu est une ligne horizontale dont la couleur évolue dans le temps si la personne change de statut. C'est-à-dire qu'un individu qui débutera les 5 premières années de sa carrière en tant qu'enseignant du secondaire détaché dans le supérieur, puis qui pendant 3 ans va devenir maître de conférence, puis qui pendant 4 ans va devenir, enfin bon, et qui à partir de là va rester prof, ça va donner une ligne horizontale qui commence bleue, qui devient rouge et qui termine rose. Donc, et là, c'est un agencement aléatoire. Et on verra plus loin qu'il y a des manières beaucoup plus heuristiques de les agencer. Tu veux rajouter quelque chose hein. Donc, on ne va pas dire qu'on fait du big data, hein, mais il y a 15 000 individus, ils sont présents 20 ans, et donc l'idée, c'est d'essayer de fouiller dans ces données, de faire émerger des structures sociales. Et c'est vrai que là, avec ce type de visualisation, on ne voit rien. Oui. Non, et juste, oui, tu fais bien de préciser, le choix de 20 ans, ce n'est pas parce que c'est un nombre rond, c'est... pas trop l'idée, c'est qu'on a vu dans la littérature qu'on prenait en général une durée plus courte parce que ça faisait plus de monde. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les probabilités de changement d'état dans la carrière et qu'on a vu qu'à 19 ans, il reste encore une probabilité non négligeable de changer de statut et qu'il y a un coude à 20 ans et qu'après 20 ans, on a, si on regarde les 20 premières années, les 20 premières observations, on a dans une majorité écrasante des cas le devenir à plus que 20 ans. Donc voilà, c'est important de le dire. Alors, en analyse de séquence, il y a, c'est un ensemble de méthodes qui s'est développé dans les sciences sociales depuis une bonne trentaine d'années. Et il y a une approche standard qui s'est imposée, notamment sous l'influence de Andrew Abbott, mais pas uniquement. En France, il y a aussi des gens comme Laurent Lénard qui ont fait pas mal de travail de diffusion de ces méthodes-là, de promotion, Nicolas Robette également. Et cette approche standard, elle se fait en trois étapes, en gros, ce qu'on appelle l'OMA, c'est-à-dire Optimal Matching Analysis, qui veut dire qu'on a recours à un algorithme d'appariement optimal, on va en parler rapidement. L'étape suivante, c'est une étape de classification, généralement une classification ascendante. Et ensuite, l'idée, c'est d'aboutir à une typologie de carrière. Alors, c'est vrai que c'est heuristique dans un certain nombre de cas. Nous, on l'a utilisé et ce qu'on va justement proposer aujourd'hui, c'est de mettre sur le banc d'essai cette approche standard et une autre approche qu'on a développée, qui est, on va dire, un peu plus artisanale. Mais... Oui, moins technique, plus inductive. Juste le relais, c'est donc cette méthode est un emprunt aux méthodes biologiques, notamment pour le séquençage de l'ADN, etc. Et une de nos hypothèses, c'est que selon les objets d'études, on a peut-être plus de connaissances des spécificités de notre objet, ce qui fait que la détermination réfléchie, mais on peut dire arbitraire, de ce que constituent des grands types de carrières, peut faire plus de sens qu'une approche rigoureusement objective qui dirait « je ne veux pas savoir ce que je connais et je vais laisser l'algorithme » pas été conçu spécialement pour les sciences sociales, décider de ce qui se ressemble et ce qui ne se ressemble pas. Donc je peux présenter en deux mots comment il fonctionne. Non, justement. Alors l'idée c'est de calculer une distance. C'est un concept un peu abstrait, hein, cette distance, puisqu'elle n'a pas d'unité, mais vous allez voir ce qu'elle signifie quand même. Calculer une distance entre chaque paire de séquences au sein de la base de données. Donc nous, on a 15 000 séquences. Il faut imaginer le produit final de cet algorithme. C'est de produire une matrice, c'est-à-dire un tableau, quoi, avec 15 000 colonnes, 15 000 lignes qui correspondent à nous, 15 000 individus. Dans chacune des cases, eh bien, la distance qu'il y a entre les séquences. Donc, ça calcule la distance entre la séquence 1 et la 2, ça calcule la distance entre la 1 et la 3, etc. Je ne vous énumère pas le reste. Et donc, ça permet ensuite de bâtir une typologie des trajectoires, en l'occurrence, en fonction de cette distance. Et pour calculer cette distance, il faut passer par une étape qui est de définir des coûts. Je vais vous expliquer ce que c'est. Qui permet de mesurer de calculer cette distance. Il existe plusieurs algorithmes disponibles et le plus connu, celui qui a fait l'objet d'une cristallisation et d'un grand surinvestissement bibliographique, on va dire, c'est ce fameux Optimal Matching Analysis qui a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, une partie de la littérature s'est notamment attachée à démêler cette question de la définition des coûts parce que. C'est vrai que quand on regarde ce qui a été fait il y a 10-15 ans, c'était assez proche d'une espèce de cuisine très aléatoire. Et petit à petit, les pratiques se sont standardisées. La définition de ces coûts, elle procède de la distance. En fait, il faut définir trois opérations élémentaires pour passer d'une séquence donnée à une autre séquence. Donc, entre l'individu 1 qui a une séquence donnée et l'individu 2, eh bien, on peut avoir recours à des substitutions, des insertions d'état ou des suppressions d'état. Et donc, on définit des coûts pour l'opération de substitution et des coûts pour l'opération de ce qu'on appelle les indel, c'est-à-dire insertion et suppression. Et la distance entre deux séquences va être en fait le chemin le plus court en termes d'opérations de substitution et d'insertion pour arriver d'une séquence à une autre. Et donc il y a un paramétrage qui est nécessaire de faire. Voilà, donc, un exemple. Oui. Voilà, on va donner un exemple. La carrière de. Voilà, on a deux individus. Voilà, on a l'individu 1 qui est une année maître de conf, l'année d'après maître de conf, l'année d'après professeur, l'année d'après professeur, l'année d'après professeur. Un deuxième individu qui est pendant 3 ans maître de conf, qui devient maître de conf hors classe et qui devient par la suite professeur. Donc une manière de faire, c'est de procéder à deux substitutions, c'est-à-dire en remplaçant deux fois maître de conf et maître de conf hors classe par professeur, ce qui donne deux lignes identiques. Une autre manière de le faire, c'est de faire deux suppressions et deux insertions. On enlève le premier maître de conf, on enlève le deuxième, enfin, le premier maître de conf hors classe et on rajoute deux professeurs à la fin. Donc c'est la grammaire que mobilise. Voilà, ce sont les deux méthodes que l'algorithme peut mobiliser pour transformer les. Et donc le paramétrage, en fait, va consister à favoriser l'opération de substitution ou inversement favoriser l'opération de d'indel, d'insertion-suppression. Et c'est une question qui a été notamment assez éclaircie par Laurent Lénard. Et bon, je ne rentre pas dans les détails, mais si on privilégie les opérations de substitution, on va conserver la structure temporelle des séquences, mais pas forcément l'ordre des événements. Et inversement, si on privilégie les indels, on déforme le temps, mais on conserve l'ordre des événements. Et donc, par conséquent, en fait, les cas extrêmes permettent de comprendre ce que fait l'optimal matching. Ça, c'est un cas extrême. C'est lorsque le coût de substitution sur le coût d'indel, d'insertion, suppression, est égal à zéro, c'est-à-dire quand on met un coût gratuit en gros de substitution, ça va privilégier la substitution, les opérations de substitution, et par conséquent, pour passer de la séquence 1 à la séquence 2, eh ben, il suffit juste, en fait, ça c'est assimilable à un comptage d'épisodes identiques au même moment, quoi. L'ordinateur compare en gros pour chaque année. Combien il y a d'années où les personnes sont dans le même statut. Inversement, si les insertions et suppressions sont privilégiées, on arrive à ce type de situation extrême et en fait l'algorithme va revenir à détecter la sous-séquence commune la plus longue entre deux séquences et donc générer une mesure de cette longueur. Et donc l'algorithme d'appariement optimal, c'est tout le spectre sauf ces deux cas extrêmes. Et ces deux cas extrêmes, ce sont juste d'autres algorithmes. Voilà. Savoir qu'on est beaucoup trop. Et donc ouais, ce qu'on a fait, c'est Dans la littérature, il y a, on va dire, un clivage entre ceux qui décident arbitrairement de donner un coût, voilà, comme ça, on va dire, je vais mettre 2 à ça. Et il y a une autre technique qui consiste à prendre en compte la probabilité de changement d'état pour donner un coût qui a à voir avec ce qui se passe. C'est-à-dire, la probabilité la plus forte quand on est enseignant du secondaire. Détaché dans le supérieur. Pour l'année d'après, c'est de rester enseignant secondaire. Donc le coût de passage va être très bas parce que c'est très probable. Donner un coût identique à des séquences qui ont une distribution empirique très différente, c'est un peu problématique. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est les probabilités objectives de passage comme coût, pour le dire un peu trop vite. C'est ce qu'on a fait, pour le dire encore plus vite. Là, il y a diagonalisation de cette première matrice. Là, ce sont les distances telles qu'elles sont données. Donc ici, la distance moyenne est de 23,7. Juste un mot. Oui. Donc ça, voilà, c'est le produit de l'algorithme d'appariement optimal. C'est une matrice de 150 000 fois 150 000, 15 000 fois 15 000, pardon. Et donc on a entre chaque paire de séquences, on a une distance qui a été calculée. Distance théorique. Voilà. Hop, donc ça c'est, vous pouvez être familier, hein, c'est une classification ascendante hiérarchique qui est faite, bon, méthode de Ward, etc., etc. Donc le principe, comment dire, la tradition dans ces cas-là, parce que rien n'indique combien de classes on doit choisir. En soi, il n'y a pas de consensus autour de ça, il y a toute une littérature sur l'absence de consensus autour de ça, mais de manière routinisée, ce que font les statisticiens, c'est qui prennent le premier coude, en gros, pour le dire très vite et très mal, mais en gros, là, quatre classes, c'est intéressant parce que il y a plus d'espace, il y a plus d'espace entre là et là, entre là et là, entre là et là. Donc, enfin, on pourra développer dans les questions, c'est pas nécessairement complètement fascinant, mais on est parti de l'usage standardisé des classifications et des typologies pour voir un peu ce que ça nous donnait sur nos carrières. En gros, on fait l'hypothèse, d'accord, l'optimal matching, ça marche comme ça, allons-y et regardons ce que ça donne. Et donc, voilà la typologie en quatre classes, donc la plus robuste, dégagée par l'optimal matching. Donc, pour le dire vite, je suis désolé si la légende est écrite en minuscule en plus, mais les couleurs n'ont pas changé et je suis sûr que vous avez retenu les six notions. Mais en gros, le cadran en haut à gauche symbolise une classe dégagée par l'optimal matching de gens qui ont tous débuté en tant qu'enseignants du secondaire détachés dans le supérieur et dont une petite partie est devenue par la suite maître de conférence. Mais dans une majorité écrasante des cas, ce sont donc des enseignants du secondaire détachés dans le supérieur. La classe numéro 2 en haut à droite, ce sont des professeurs qui sont restés professeurs tout au long de la carrière. Alors ça soulève des questions, on en parle maintenant, on en parle plus, on en parle pas maintenant. Des maîtres de... Ils sont des professeurs, je crois. Oui, c'est ça. Bah, il y a souvent des gens qui venant du CNRS, par exemple, venant du CNRS ou recrutés à l'école des hautes études, etc. Ou au Collège de France. Etc. Donc des professeurs qui le restent, des maîtres de conférences qui deviennent professeurs des universités, des maîtres assistants qui deviennent professeurs des universités, des AM2D qui deviennent professeurs des universités, bref, des individus qui deviennent ou qui sont nés professeurs des universités. La troisième catégorie, ce sont des individus qui, la fait court, dans une immense majorité, sont devenus maîtres de conférences hors classe, donc en jeune. Et la quatrième classe sont des individus qui sont restés très longtemps maîtres de conférence. Mais alors, bon, on peut se poser un certain nombre de questions sur le choix de l'algorithme de séparer des individus dans la classe 4 qui sont restés longtemps maîtres de conf, puis devenus tardivement maîtres de conférence hors classe, à des gens qui ont commencé maîtres de conf et sont arrivés un peu avant maîtres de conférence hors classe. Est-ce que ça fait un sens voilà, on s'est posé ce genre de questions face à ça. C'était assez parlant, c'était très, comment dire, heuristique, mais voilà. Donc, l'approche alternative qu'on a proposée, c'est pour réfléchir à comment séparer nos individus entre eux, commencer par les regarder tous ensemble. Et je pense que dans notre conclusion, un des trucs qui est vraiment important, c'est de dire qu'il y a une sous-exploitation d'un défrichage serein de l'ensemble des trajectoires dont on dispose. Ça, ce graphique, je pourrais vous en parler, par exemple, c'est ça, j'ai fait le test pendant plus d'une demi-heure sur le nombre de résultats et de pistes qu'il donne, simplement sur la base. Donc là, on a nos 16 000 trajectoires qui sont à gauche, simplement organisées par le début, c'est-à-dire qu'on met d'abord ensemble tous ceux qui ont été enseignants du secondaire la première année, puis au sein de ces gens-là, on regarde ceux qui sont restés la deuxième année, la troisième année, etc. Et à droite, c'est la même chose, mais en partant de la dernière année. Peut-être que le résultat qu'on peut donner quand même dans le cas de cette analyse, c'est que malgré la fixation sur le devenir professeur dans la littérature sur les carrières des enseignants-chercheurs français, si vous regardez à droite, le devenir professeur, il représente un tiers des devenirs à 20 ans. Il y a un autre gros tiers qui est à moitié maître de conférence, à moitié maître de conférence hors classe, et un petit quart qui est des enseignants du secondaire. Bon. Ça pourrait être bien de jeter un œil à ces deux tiers de trajectoires possibles. Une question, c'est... Oui. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais... Oui. Donc là, ce n'est plus l'optimal matching, c'est ce non. qu'on non, faisait à la c'est place, ça. Simplement. En fait, enfin, c'est pas ce qu'on... Enfin, c'est place, c'est ce par quoi... En fait, là, ça raconte un peu de la temporalité de notre recherche, c'est-à-dire qu'on a commencé par appliquer bête et méchant ce qu'il y a de légitime comme manière d'utiliser optimal matching, puis un jour, on s'est arrêté sur cet agencement, et par exemple, on a vu... que la probabilité de devenir maître de conférence hors classe, au fur et à mesure de nombre d'années passées en tant que maître de conférence, bon là il y a une censure à gauche, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle augmente dans le temps, et la probabilité de devenir professeur des universités diminue dans le temps. Ce qui veut dire que plus le temps passe en tant que maître de conférence, moins on a de chances de devenir prof, plus on a de chances de devenir maître de conférence hors classe. Là, tout à fait édifiant, enfin, au bout d'un moment d'adaptation avec ce truc-là, c'est si on ne veut pas passer toute sa vie en tant qu'enseignant du secondaire détaché dans le supérieur, il y a plutôt intérêt à passer très vite, très très vite, maître de conférence. Vous voyez, comme, enfin, vous voyez, vous pouvez voir comment cette marche est plus haute que la marche suivante, que la marche suivante, que la marche suivante. Donc il y a une probabilité qui descend très rapidement. Là, j'ai une question. Oui, absolument. Pour bien comprendre. Parce que là, vous raisonnez comme si, au fond, tout le monde commençait sa carrière un peu au même âge, finalement, pour vous parler. Oui, oui. Mais en fait, c'est pas ça. Absolument pas. Comment vous contrôlez cet effet d'âge? Parce que, bon, voilà, durant ces 20 ans, il y a des gens qui constamment rentrent dans le système, donc qui en sortent. Absolument. Voilà, et tout le monde, le début de votre affaire, tout le monde n'a pas le même âge, et tout le monde n'a pas le même stade, c'est un carrière, bon, voilà. Donc, comment vous contrôlez cette... Parce que c'est très important, cet effet. Absolument. On peut y aller. Ouais. En fait, le premier mode de représentation des séquences, la première façon de construire les séquences qu'on a utilisé, c'était par les âges. Mm-hmm. Donc, on avait un axe des abscisses qui était les âges biologiques des individus. Et on a trouvé qu'il était plus pertinent d'utiliser la temporalité administrative, c'est-à-dire le temps passé dans ce fameux fichier, ou autrement dit le temps passé dans la carrière académique en tant que titulaire, parce que ça permettait par la suite de réincorporer l'âge soit comme une variable explicative, d'accord, au même titre que le sexe, etc., ou bien d'étudier les interactions, d'accord, entre âge, génération. Oui, ok. D'accord. En gros, on a fait notamment des régressions sur ces données-là, et c'est continu. Quoi. C'est très clairement, il vaut mieux rentrer à 25 ans qu'à 28 ans, à 28 ans qu'à 30 ans, à 30 ans qu'à 32 ans, etc., etc. Mais, ouais, enfin... Bah, on peut en discuter en effet, on enchaîne. Ah, d'ailleurs, âge et génération. Parce que... Absolument, mais ça aussi, c'est pareil. Ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on ne le présume pas, et du coup, on peut dire, et alors, est-ce que les carrières se distinguent fortement selon qu'on l'a commencé en 84, en 94, etc. Et puis, c'est vrai que ce type de travaux a déjà été fait, notamment par Christine Mufflin. Donc, on essaye aussi de combler, enfin, bon, d'essayer d'apporter quelque chose de complémentaire. Mais ça fait partie de nos variables explicatives. Très clairement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Une fois qu'on a bien regardé longtemps ce formidable graphique, on a regardé un petit peu donc, les combinaisons de passages possibles et leur distribution. Donc, ça rejoint un peu cette histoire de coût de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait 37 combinaisons effectives. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, je ne vais pas vous les faire toutes, mais il y a passage de AM2D à maître de conf, il y a une carrière qui va faire AM2D, maître de conf hors classe prof, etc., etc. Donc il y a 37 types de carrières possibles, mais si on prend les 4 plus fréquentes, on a déjà plus de 75% des individus. Donc la carrière la plus probable, c'est celle d'un maître de... quelqu'un né maître de conférence et mort professeur des universités, pour le dire vite. Mais la deuxième, la plus fréquente, c'est quelqu'un, un enseignant du secondaire qui le reste toute sa vie, ensuite un maître de conf qui le reste toute sa vie, un maître de conf, etc. Donc, là, il y a la distribution en log de ces passages-là. On voit bien que les 4 premiers prennent le gros des choses, et on en a retenu au final 9. C'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, avec ce sur quoi on avait réfléchi jusqu'à présent, la littérature qu'on avait en tête, etc., c'était intéressant qu'il y avait 9 cas assez typiques qu'il était intéressant d'étudier, à savoir donc les AM2D, donc les enseignants de secondaire qui le restent toute leur vie, versus ceux qui changent, les maîtres de conférence qui le restent toute leur vie, versus ceux qui passent maîtres de conférence hors classe qui le restent, versus ceux qui passent maîtres de conf hors classe qui passent professeur, versus ceux qui font maîtres de conf prof, versus ceux qui ont été maîtres assistants, versus ceux qui ont été profs toute leur vie, et il m'en manque un, les passes, voilà. Les professeurs associés. Donc avec ça, on avait l'impression, sans tomber dans la frénésie, d'avoir quelque chose d'assez représentatif des différents types de carrières. Bon, c'est bien de trouver ça, mais il faut encore essayer de comparer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'aurais mieux fait de vous montrer ça, ça serait allé plus vite. Mais là, voilà, c'est la typologie qu'on propose. Donc là, on a regroupé entre eux les individus qui avaient été enseignants du secondaire toute leur vie ou qui avaient changé d'état, maître assistant toute leur vie. Je ne me répéterai pas. Hop. Et donc, on a essayé de comparer un petit peu ça, c'est-à-dire les... Alors, on est passé, alors ça peut faire l'objet de discussions un peu techniques. Nous, notre optimal matching nous en donnait 4 comme catégorie la plus robuste. Mais pour comparer la pertinence de notre typologie en 9, ça aurait été un peu injuste, pour le dire vite, de comparer la finesse de notre typologie en 9 classes avec celle en 4. Donc, on est descendu jusqu'à 9 dans l'arbre. Et on a comparé un peu ça. Et alors, pour comparer un peu ça, au-delà de la comparaison à l'œil nu, sur laquelle on ne s'étend pas, toi, tu veux peut-être dire quelques mots là-dessus, on a pris quelques variables. Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose. mais bon, il va falloir nous faire à peu près confiance. On a regardé, donc, comment vous expliquer ça ? Donc, on a 9 classes. On a 2 fois 9 classes. La première fois, c'est l'algorithme qui a décidé quelles étaient ces 9 classes. La deuxième fois, c'est nous qui avons décidé. Et on a regardé un petit peu le taux de représentation, sur-représentation, sur des variables a priori exogènes dont la littérature avait dit qu'elles étaient importantes pour structurer les carrières. Et pour le dire vite, c'est dommage qu'il manque celui du milieu, mais pour le dire vite, c'est assez proche. C'est-à-dire que ce que fait l'optimal matching et ce qu'on fait nous, ça ne nous semble pas être fondamentalement, disons qu'il n'y a pas une plus-value formidable de l'optimal matching sur notre intuition première à la littérature, au regard de ce qu'on avait vu déjà. On peut insister juste tout de suite, et c'est capital, sur le fait que ça ne veut pas dire que dès qu'on étudie l'optimal matching, il suffit de regarder la distribution des choses, on n'a pas besoin de faire de l'OMA. Ça veut dire qu'il n'est pas inutile de comparer les résultats de l'OMA avec une typologie qu'on fait soi-même, et de voir jusqu'à... Pour plein de raisons différentes, ça peut être très intéressant de faire les deux. Donc pas de se limiter à la procédure standard, pas de se limiter à celle où on ne fait pas, mais de comparer un petit peu les deux. Et ça, votre conclusion se base évidemment sur cet exemple. Le fait de l'utilité d'avoir les deux procédures, voilà. C'est juste sur cet exemple. Il n'y a pas dans la littérature d'autres cas qui pourraient... On n'a pas vu ça, parce qu'il y a justement un truc implicite qui consiste à dire, quand on fait de l'optimal matching, on définit des coûts, ça nous dégage une typologie, et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on émet l'hypothèse que peut-être, c'est pas toujours, ça pourrait ne pas être toujours la meilleure des façons de faire. Oui, je voulais juste ajouter que les deux typologies discriminent, par exemple en termes d'âge moyen à l'entrée dans la carrière, discriminent des classes où il y a beaucoup de jeunes et des classes où les entrants sont relativement plus âgés. Donc effectivement, ce qu'on regarde ici, c'est uniquement la variance interclasse effectivement, selon ces 3 critères, on s'aperçoit que notre typologie est relativement proche de celle de l'optimal matching. Une question qui m'intéresse, c'est en fait quand on regarde ces deux typologies, elles sont relativement proches. La nôtre qu'on a fait manuellement isole les détachés du secondaire, et comme par hasard, celle de l'optimal matching les isole relativement bien. De même, les maîtres de conférences qui deviennent hors classe, on les retrouve dans cette typologie-là. Les maîtres de conférences qui deviennent professeurs, ils sont en 2 classes, mais bon, quand même. Le corps d'extinction qui a connu une extinction se retrouve également isolé du reste. Les gens qui restent maîtres de conférences presque tout le temps, on la retrouve aussi. Donc en fait, comment dire, on ne peut pas dire vraiment qu'est-ce qui était en amont et en aval, puisqu'on a fait l'optimal matching avant de créer cette typologie un peu plus manuelle. Donc on a été aussi influencé par l'optimal matching. Il y a ça, et il y a aussi qu'on peut être influencé par une typologie non intuitive. C'est-à-dire que précisément ce que fait cet algorithme et que nous on ne fait pas, naturellement, en gros, enfin j'ai remarqué, avec pas mal de cobayes autour de l'ordinateur, que ce qui nous intéresse, c'est la première séquence, la dernière séquence. D'où tu viens, qu'est-ce que tu es devenu, c'est ça qui nous intéresse. Alors que souvent, l'algorithme, lui, il va se dire, ouais, mais quand même, là, je sens qu'il y a une grosse différence entre ceux qui passent vite et ceux qui mettent du temps à passer. Donc, c'est, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, mais nous, notre seul objectif, c'est de ne pas réifier un usage routinisé d'une méthode assez récente, importée d'une autre discipline où il y a des raisons peut-être plus solides de standardiser cette pratique. Et donc, en fait, dans la temporalité de nos recherches, ce que ça a donné, c'est donc on attaque par une typologie telle que ça se fait. Ensuite, on propose une typologie sur la base de l'intuition de ce qu'on voit. Et au final, ce qu'il y a peut-être de plus parlant dans notre cas précis, c'est de ne pas partir d'une typologie et de réfléchir sur l'ensemble de notre population. Parce qu'on a relativement peu de modalités. Et que finalement, de pouvoir visualiser nos 16 000 individus d'un coup bien rangés, pour le dire vite, ça permet de montrer des choses très intéressantes. Donc là, par exemple, on a les différences de carrière selon que ce sont des hommes ou selon que ce sont des femmes. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ? Que les professeurs qui restent profs, ils sont beaucoup plus représentés chez les hommes que chez les femmes. Que la probabilité de devenir prof va s'amoindrir beaucoup plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Alors que la probabilité de devenir hors classe va augmenter plus vite chez les femmes que chez les hommes. Voilà, un ensemble de petits exemples comme ça. Un autre cas, ça va être la différence. Voilà, point crucial. La différence selon qu'on a commencé sa carrière dans une université ou dans un grand établissement. Bon, alors ça, il ne faut pas le prendre en compte trop longtemps parce que le fait de commencer sa carrière, par exemple, au Collège de France, ça facilite le fait de commencer sa carrière propre, pour le dire vite. Par contre, cas très intéressant, je trouve vraiment fascinant, même, pour tout vous dire, c'est les débuts de carrière en tant qu'enseignant du secondaire, selon qu'on l'a commencé à l'université ou selon qu'on l'a commencé dans un grand établissement. Pour le dire vite, quand on commence sa carrière en tant que détaché du secondaire dans une université, on a une probabilité écrasante de le rester toute sa vie, alors qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible dans les grands établissements. Et là, on peut penser au cas des ce qu'on appelle les AGPR, l'école normale, qui sont en gros des statuts de détaché du secondaire pour des agrégés en train de préparer leur thèse. On voit par contre, je ne sais pas, je sais pas si c'est intuitif, maintenant je commence à avoir un peu noyé là-dedans. Mais voilà, vous voyez l'effet d'écrasement, l'anticyclone, maître de confort classe sur les universités. Et puis là, donc pour finir, vu qu'on en avait parlé rapidement, on présuppose qu'il suffit de découper droit, sciences, lettres pour résumer les carrières de l'enseignement supérieur. Bon, ben voilà. On prend deux types de carrières pour chaque faculté, économie, gestion, mathématiques, mathématiques appliquées, histoire ancienne, histoire moderne. Ce n'est pas les plus éloignés dans la faculté. Et pourtant, on constate une forte division du travail au sein de ces disciplines. Donc évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est le taux d'AN2D, le taux d'enseignants du secondaire selon les disciplines. Dans le cas de la gestion, on va regarder d'un peu plus près, ça s'explique par la prépondérance des IUT, et des enseignements de gestion dans les IUT. Mathématiques appliquées, alors c'est intéressant, pour plein de raisons, mais notamment parce que si on zoome sur le cas des mathématiques, on voit comment les carrières sont extrêmement stratifiées, bon, il y a toute une littérature là-dessus, mais la probabilité de devenir prof, si on a été maître de conf, 10 ans de plus, est nulle. C'est-à-dire, si on ne passe pas prof avant 10 ans de maître de conf, en maths, c'est même pas la peine des... Enfin, en tout cas, ça ne marche pas très bien, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres disciplines. La probabilité, quand on a commencé à M2D, de devenir autre chose qu'enseignant du secondaire est quasiment nulle en maths. Et donc, dernier point qui nous permet de nous interroger sur notre recherche, c'est on voit bien comment le fait de commencer sa carrière en mathématiques appliquées en tant que détaché du secondaire ou en histoire ancienne en tant que détaché du secondaire, ce n'est qu'un moment de passage. Aucune personne n'est restée 20 ans à N2D. C'est-à-dire que c'est vraiment un statut transitoire, alors qu'en gestion, en mathématiques, même en histoire moderne, il est beaucoup plus probable de rester autour de ce statut-là. Donc, oui, comme on a essayé de vous le dire tout au long de la présentation. L'idée, c'était de ne pas se cantonner à la façon routinisée d'utiliser l'optimal matching, mais certainement pas non plus, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est peut-être important de le rappeler, ça ne veut pas dire que l'optimal matching ne sert à rien, c'est loin de là notre idée, mais que ça peut être bien, comme d'habitude, hein, de comparer plusieurs méthodes et de ne pas se laisser emporter par la mode de l'optimal matching, et de prendre le temps de regarder tranquillement des tris plus simples. L'optimal matching permet de défricher les données de manière extrêmement riche. Enfin, moi, à mon expérience, c'est vraiment, enfin, ce que je vous ai fait le coup du présentateur météo, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et c'est vrai que pour anticiper certains effets et les voir comme ça, en gros, c'est l'équivalent des analyses de survie, mais en beaucoup plus lisible et avec beaucoup plus d'informations. C'est très bien. Et voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il apparaît que dans la littérature existante qui fait usage de l'analyse de séquence de manière générale, voilà, il y a un piédestal avec dessus ce fameux algorithme qui a retenu l'attention de beaucoup de gens. En revanche, il nous semble que la visualisation graphique, qui est quand même une heuristique vraiment importante, en tout cas dans nos travaux, elle n'a pas le même statut dans cette littérature. On peut se demander pourquoi d'ailleurs. Moi, il me semble que dans bien des cas, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience pour d'autres projets de recherche, sur les financiers, les carrières des financiers par exemple, travailler essentiellement avec de la visualisation graphique et ensuite construire des indicateurs qui permettent d'objectiver ce qu'on a vu, est parfois beaucoup plus utile que d'essayer de faire tourner un algorithme qui vient des sciences biologiques. Pareil, c'est vrai qu'on peut avoir quelques indices sur le fait que c'est assez peu fait, dans le sens où la littérature sur l'enseignement supérieur à la recherche, si elle avait fait ce travail-là, elle ne se serait pas dit « je vais arrêter à 10 ans mes carrières ». C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si on regarde ce tapis de carrière, même en prenant l'ensemble, on voit très bien qu'on coupe, mais alors vraiment une masse très importante de devenir possible. Donc voilà, un exemple de l'utilité de ce genre de travaux. Ok, merci beaucoup. Question. Moi j'ai bien une question sur votre matériau, parce que là vous avez un peu une mine à exploiter et vous pouvez la tirer un petit peu dans tous les sens. Jusqu'à quel degré raffinement vous pouvez avancer du point de vue de vos catégories, parce que vous avez distingué six statuts, et vous avez fait une distinction entre les maîtres, d'autres types de maîtres de conf, mais ce que vous ne faites pas pour les professeurs. Et c'est vrai qu'on peut raisonner progressivement et raffiner progressivement l'analyse. Donc en gros, quelle est votre marge de progression du point de vue de ces catégories dans la base? C'est une question de priorité dans nos questions de recherche. Par exemple, si on veut, ça ne va peut-être pas être le cas dans l'immédiat, mais si on veut travailler sur ce qu'on appelle le plafond vert, c'est évident qu'on va découper de manière plus fine les différents statuts de professeurs, parce qu'il se peut qu'on ne voit pas de différentiel homme-femme, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais dans l'entrée au statut de professeur. Et que, en fait, si on regarde plus finement les catégories, ils se situent plus haut, plus bas, etc. Donc c'est clair. Il y a aussi des questions d'ordre technique, là, pour le coup, propre au système français, qui fait que certains établissements codent différemment leurs professeurs que d'autres, et que même certaines disciplines, l'astronomie a tout un corps de... ou alors c'était les arts et métiers dont le statut de professeur ne correspond pas véritablement au statut de professeur. Donc là, on a pris pour l'instant ce qui était le plus certain. Et aussi, c'est vrai que nous, on a un intérêt particulier pour la catégorie de maître de confort classe, qui n'est pas une fascination personnelle, mais qui est juste, qui rentre bien dans la mode des expériences, de la quasi-expérimentation, parce que le statut de maître de confort classe est mis en place en 1989. On a 84-2014, donc on a un statut qui n'existe pas, des déroulés de carrière, un statut qui apparaît, en même temps, donc une période, la seconde massification, donc un moment où il y a beaucoup de maîtres de conférences qui rentrent et peu de postes de professeurs. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un effet soupape de maître de confort classe pour commencer à diviser un peu, à stratifier la population des fins de carrière dans l'enseignement supérieur. Les recherches qu'on a faites pour le moment vont plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, si on a distingué maître de conf et maître de confort classe, c'est qu'on s'est dit là, coup de chance, on a vraiment un événement qui apparaît dans une période dont on a des informations sur ce qui se passe avant, pendant, après. Donc allons voir. Et aussi, bah, c'est vrai que c'est une catégorie très fréquente dans nos données et qu'elle n'est absolument pas exploitée jusqu'à présent. Donc voilà, comme les AM2D. Moi j'aurais une question sur un peu les variables explicatives, parce que bon, là vous avez un outil de description des carrières qui est absolument formidable et fascinant, effectivement. Mais alors on se demande, mais comment expliquer tout ça? Quelles sont les variables explicatives? Alors, d'abord, de quelles variables vous disposez, et puis ensuite comment vous procédez pour relier ces variables explicatives ou ces séquences que vous avez mises en lumière. Parce que si vous avez un matériau comme ça très très riche au niveau de la description, mais des variables explicatives en nombre et en qualité très limitées, on se dit que bon, finalement la plus-value risque d'être descriptive, mais pas forcément explicative. Donc c'est un peu la question que j'avais en vous écoutant, mais c'est peut-être parce que vous en êtes au début de votre... Alors déjà, oui, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur le statut description-explication, il y aurait lieu d'en discuter longtemps. Là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a des identifiants anonymisés à l'heure actuelle et qu'on est en cours de négociation avec le ministère pour, donc, de notre côté, récupérer une grande masse de données biométriques nominales sur les individus, donner cette liste au ministère, qui la parierait de son côté, vu qu'eux ont les noms, qui nous fasse reparvenir les données anonymisées, et que de là, il y a des choses très rigolotes à faire à partir de là, parce que avec établissement, discipline, année de naissance, sexe, âge d'entrée, on a, pour la période récente, on a les qualifications, on a les candidatures au poste, on a la thèse, on a parié avec une partie du fichier central des thèses, on a un projet de recherche assez fourni, mais on était assez content déjà, donc on fait de nécessité vertu, on n'avait pas les données scientifiques, on s'est dit c'est pas grave, et c'est vrai qu'on voit déjà que, pour expliquer les carrières ou les différentiels de carrière, l'âge d'entrée, c'est prodigieux, le sexe, ça marche très très très bien. L'établissement dans lequel on commence sa carrière, c'est super. Donc, en fait, on a fait une régression, par exemple, sur une régression logistique qui explique le fait de devenir ou pas professeur, donc qui explique le fait de devenir professeur sur les 20 premières années de carrière à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment logistique binaire, quoi. On a inclus le maximum de variables potentiellement explicatives dont on disposait pour l'instant, donc il n'y a pas les publications, c'est une régression qui est juste une régression de cadrage qui rend aucunement un résultat final ou quelque chose comme ça. En fait, l'effet, le facteur qui domine tous les autres facteurs, toutes choses égales dans un raisonnement, toutes choses égales par ailleurs, c'est ce facteur, premier établissement d'affectation, le fait d'entrer. Premier statut dans lequel on a viré ceux qui. Je comprends pas bien ce que ça veut dire. Alors, quelle est la probabilité de devenir professeur selon le sexe qu'on a, selon l'âge dans lequel on rentre dans la carrière, selon lequel le statut par lequel on commence sa carrière, hors prof, qu'on a évidemment enlevé. Un effet intéressant, c'était le nombre d'établissements fréquentés dans sa carrière est un bon prédicteur de devenir prof, peut-être pas. La mobilité aide à l'ascension. Mais effectivement, le facteur dominant, c'était le premier statut d'affectation. Oui, enfin, quelqu'un qui commence sa carrière en tant qu'AM2D a 12 fois moins de chances de devenir professeur que quelqu'un qui commence maître de conférence. D'accord. Alors, sachant que ça pose des problèmes méthodologiques, parce que souvent, pour devenir professeur, un AM2D a besoin d'être d'abord maître de conférence. Donc là, on est aussi dans la construction un peu. On ne va pas faire des régressions tout de suite, parce qu'on va faire des régressions qui font un tout petit peu de... de sens. Mais là, comme tu disais, la régression de cadrage, elle nous a déjà montré des effets très forts, et notamment de l'âge, ce qui était vraiment super. On a fait des classes d'âge comme ça, on a fait, allez, moins de 28 ans, 28-30, 30-32, 32-35, 35-40, 40-45, et c'est vraiment un effet de, systématique de l'âge d'entrée sur la probabilité de devenir prof. Ça sera mieux avec les publications. Et ce qui est amusant, c'est que de fait, cette régression ne nous a rien appris. Parce qu'on a fait par ailleurs des analyses bivariées, en fait, avec l'ensemble des variables qu'on vient de lister, y compris de manière très fine, par établissement, par discipline, c'est-à-dire par section CNU. Et donc on a pu explorer de manière beaucoup plus fine les données, et c'est des choses qui petit à petit s'assimilent. Il faut aussi. Justement, est-ce qu'il y a des effets discipline très forts? Absolument. Ouais. Par exemple, moi, c'est dans ma thèse, pour le coup, c'est vraiment un des trucs. L'objet de ma thèse, c'est un peu les différenciations disciplinaires. Donc, oui, il y a des. Pour le dire vite, si on prend pour chaque discipline l'âge moyen d'entrée au poste de maître de conférence en abscisse, l'âge moyen d'entrée au poste de professeur en ordonnée, on a une séparation stricte science-lettres, stricte, c'est-à-dire que les maîtres de conférence et les profs d'université rentrent en moyenne beaucoup plus jeunes en sciences qu'en lettres, et le droit se caractérise, du fait de l'agrégation du supérieur, par une entrée en maître de conf pas aussi précoce que les sciences, mais par contre un âge d'entrée prof beaucoup plus jeune. Et alors au sein des sciences, les mathématiques sont les plus jeunes, des plus jeunes. La biologie est plutôt moins jeune, plus féminine. Dans les lettres, bon voilà, on a aussi la nationalité des individus qui est un truc assez rigolo, qui marche assez bien, qui fait une espèce de pont sciences-lettres assez rigolo, c'est-à-dire qu'on a les maths très internationalisées, ça descend, ça descend, et dans les lettres, c'est évidemment les langues étrangères qui recrutent énormément de noms français. Les professeurs associés, ça caractérise des disciplines orientées souvent vers le professionnel. Donc, on va avoir gestion, aménagement, les disciplines du droit, pas mal. Donc oui, il y a des très fortes différenciations disciplinaires. Donc c'est un point d'entrée que je trouve convaincant. Ça serait dommage que je ne le trouve pas. Et sur les disciplines, c'est une chose qu'on n'a pas pu commencer encore, mais... Ça sera tout à fait envisageable de modéliser des séquences comme on vient de le faire, mais pas en renseignant chaque année la catégorie professionnelle des individus, mais tout simplement leur discipline. Et voir, à mon avis, il y aura assez peu de mobilité transdisciplinaire au cours des carrières, mais il y en a quand même, donc peut-être zoomer sur ces cas-là, voir à quel moment ils interviennent. Là, je ne suis pas sûr que ce soit le bon outil, et moi, en fait, je l'ai fait, mais avec une analyse de réseau, c'est-à-dire, et avec une analyse de réseau qui prend en compte, Markov et compagnie, la probabilité de passer d'une discipline à l'autre versus, typiquement, de mathématiques appliquées vers économie plutôt que d'économie vers mathématiques appliquées, et de créer un réseau, une représentation des disciplines sur la base de ça. Et ça rend une structuration piagétienne de la science. Donc, ça fait maths, physique, chimie, bio, sciences sociales, maths, physique, chimie, bio, sciences sociales, et les sciences humaines un peu à l'écart. Peut-être juste des remarques sur ce qui est aussi l'enjeu un peu de votre propos. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que finalement, on applique souvent presque automatiquement des méthodes complexes, alors qu'on pourrait faire plus simple, ou enfin, même parfois, je sais pas, des régressions logistiques avec une variable, alors que finalement ça revient à tableau croisé. Mais là, j'ai l'impression quand même que par rapport à ce que vous faites, vous, c'est quand même aussi très lié au fait que finalement il y a peu de modalités, absolument, que leurs relations sont assez intuitives, c'est-à-dire qu'on sait que commence maître de conférence, on finit professeur, qu'il y en a qui vont rester maître de conférence toute leur vie, ceux qui ne viendront pas professeur, ils passeront peut-être hors classe. Bon, on sait que si on entre effectivement avec le Prague, bon, il y en a peut-être qui vont passer maître de conf, mais il y en a plein qui vont rester Prague. Donc, je veux dire, finalement, sans la méthode automatique, on a déjà une bonne idée en fait, des hiérarchies. Et finalement, ce qui est peut-être intéressant aussi avec l'optimal matching, c'est de savoir si finalement ça confirme notre intuition spontanée sur ça. Et bon, mais j'aimerais par contre, si vous aviez, une quinzaine, une vingtaine de modalités, par exemple, si vous prenez, et puis si en plus il y avait des choses plus compliquées, parce que là, on passe d'un statut à l'autre, mais on ne revient pas en arrière. Donc, Et puis il y a aussi une progression automatique presque mécanique. Bon, je sais pas, enfin, j'ai vraiment votre conclusion qui est peut-être générale est quand même très liée finalement à vos variables précises, le fait que vous en ayez peu, enfin que vous ayez peu de modalités pour votre trajectoire. Je suis absolument d'accord avec ça, mais ça va précisément dans le sens des régressions à une variable, des choses comme ça, c'est-à-dire des travaux qui vont utiliser l'optimal matching sur des objets simples. Il y en a beaucoup, quoi. C'est aussi pour dire. Oui, non, mais moi je suis d'accord, il y a une tendance à ne pas savoir finalement presque jouer avec les données, quoi. C'est-à-dire faire comme vous avez fait, des tableaux différents, regarder pour chaque discipline, pour chaque sexe, et tout de suite chercher à faire. À faire science. Bah, au fond, ouais, et puis à faire la méthode la plus compliquée. Quoi. Confirmatoire, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Oui, mais encore dans la temporalité, on a commencé par ça. On a commencé par l'optimal matching. Ça nous a mis sur des pistes quand même. Bien sûr. On a été étonné, par exemple, du caractère très bifurcatoire des destins des gens qui rentrent comme maître de conférence. On ne s'attendait pas à ce que, à peu près à 13 ans d'ancienneté, il y ait à un moment donné une bifurcation très importante entre le passage en hors classe ou le passage dans le corps des professeurs. Et bon, on l'aurait sans doute trouvé en tripatouillant les données dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est avec l'optimal matching qu'on l'a découvert. Ouais. Enfin, en gros, c'est un plaidoyer pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ne pas chercher. Il y a une récompense à la complexité souvent dans le. Je pense que le mot-clé optimal matching ou régression logistique donne de la plus-value à un travail, même s'il n'est pas nécessaire, hein, justement. Mais et donc là, on a un cas où on peut en faire un usage raisonné, mais pas chercher à le faire comme voilà le résultat final, la typologie qui va de soi, je sais pas une finalité, quoi. Donc vraiment, enfin moi, jouer avec les données, ça me va très bien comme expression, c'est-à-dire prendre vraiment le temps avant de réfléchir à la modélisation voilà. Et de ne pas négliger tout un pan des carrières possibles, ça peut être sympa aussi, parce que c'est quand même un des. Donc, chevaux de bataille. Prendre en compte ces AM2D, ces maîtres de confort classe. Et l'effet Paris-Provence ? Ah, ben, là, pas là. Alors, très, très intéressant, c'est-à-dire on a fait un découpage Paris-Île-de-France-Provence pour voir justement, enfin, Paris-Île-de-France, pas Paris et Provence, c'est-à-dire l'Île-de-France sans Paris. Et on a vu qu'il y a un effet Paris absolument démentiel, mais qui est lié à la localisation des grands établissements, notamment. Mais oui, il y a un effet, dans la régulation qu'on a faite, en fait, il y avait très clairement. Mais par contre, oui, Île-de-France ressemble beaucoup plus à province qu'elle ressemble à Paris, ce genre de. Du coup, je me demandais, enfin, bon, j'imagine que ce n'est pas possible, mais je pensais aussi à. Il me semble que c'était un article ou juste un post de Le Baron sur les carrières des économistes qui devenaient de plus en plus internationales. Mm-hmm. Et il y a beaucoup maintenant, je pense que c'était suite au prix Nobel de Tirole, où l'économisme se construit beaucoup comme ça maintenant, où les élites, en gros, vont faire une thèse à l'étranger, ou passent en tout cas aux États-Unis, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un moyen de tenir compte de ça, en fait, d'observer ça? Est-ce qu'il n'y a pas de variable sur. Thèse à l'international, ça va être très compliqué. Ouais. On espère pouvoir appareiller. Ben là, on est dans une phase d'aspiration donnée en espérant que le ministère ait plein de temps devant lui pour tout coller comme il faut. Si vous avez les publications, pour regarder les publications en anglais, peut-être. Ah oui, mais alors ça, il va vraiment falloir contrôler par discipline, pour le coup, parce que c'est pas. C'est. Oui. Oui, là, vous construisez une base de données, donc avec les. Du coup, vous avez les individus vraiment. De notre côté, oui, on essaye de récupérer Web of Science. Kern, Percé, Gistor, des publications, en essayant donc de contrôler le biais du référencement des sciences humaines et sociales dans les bases. Donc vous avez pu obtenir le nom de tous les enseignants-chercheurs, du coup ? Ben, pour l'instant, non. Le deal qu'on essaye de négocier avec le ministère, c'est on va leur donner. Un numéro d'identification, c'est ça ? Alors, eux nous ont donné un numéro d'identification, nous. Pour ne pas briser l'anonymat, ce qu'on va faire, c'est leur donner des listes de prénoms et de noms avec des publications qui sont accolées. C'est là où vous avez les noms, quoi. Mais ah oui, pour les publications, on a les noms et on les donne au ministère qui nous renvoie le truc collé. Ce qui est. C'est eux qui font l'appariement. Oui, non, ça j'avais compris. Non, en fait, ce que je me demandais, du coup, très intéressant, mais En fait, vous avez une base de noms et donc vous avez cherché leur publication, ou vous avez juste, c'est-à-dire vous avez, ça veut dire que vous avez aussi une base de tout, de noms de tous les enseignants-chercheurs en France, en fait. Ah, d'accord. Non. Alors non, on a des proxys éventuellement de ça, parce que bon, cette base n'existe pas, hein, la base de... Enfin, en fait, vous cherchez juste toutes les publications. Les voilà. Alors déjà, on cherche les... Oui, bon, principalement ça. On peut en discuter, ouais. C'est-à-dire il y a des pistes autour de cette question-là. Pour les publics récentes, c'est pas un problème, parce que l'adresse est quasiment systématiquement référencée dans Web of Science, par exemple. C'est-à-dire on a l'établissement, un individu français étant un individu affilié à une institution française, de toute façon, hein, on n'est pas dans le... Enfin bon, bref, on a la nationalité par ailleurs des chercheurs. Vous pourriez pas, au fond, tirer un sous-échantillon de votre échantillon qui serait représentatif des différentes séquences et à partir de là, faire quelque chose... C'est pas l'idée. Je comprends pas tout ça. Bah, parce que vous pouvez pas avoir... les informations sur l'ensemble de votre échantillon, ça semble impossible. On n'est pas si pessimiste que ça, justement. Sur les publications, peut-être pas, mais... Enfin, si, sûrement, sur les publications. Mais par contre, si vous vouliez ajouter, par exemple, le lieu de soutenance de thèse, des choses même comme le passage par l'ENS en France... Ah ça, le passage par l'ENS en France, ça ne serait pas un gros problème, vu qu'il y a un annuaire référencé depuis 1700 et quelques... Ouais, mais si vous faites sur les 15 000, ça va prendre un peu de temps. Ah non, mais si les 15 000... ça s'aspire, quoi. Les annuaires en ligne, ça peut se récupérer. Ah oui, c'est en ligne, bien sûr. Voilà. Oui, non, on ne va pas dans les archives de l'ENS pour référencer les normes liées avant. Mais ça se fait, quoi. Non, mais de manière plus générale, ce genre d'information. Ouais, bah, on se focalise sur celles qui sont accessibles en ligne, mais il y en a déjà pas mal, enfin en tout cas beaucoup plus que ce qui est généralement utilisé pour caractériser. Parce qu'au fond, c'est quand même ça un gros enjeu pour votre affaire, c'est d'enrichir quand même votre base de données. Absolument. Absolument. Ouais. On a une bonne base. Il faut mettre des briques. Est-ce que vous avez la possibilité... Ah pardon, excusez-moi, allez-y. Sur le déroulé des carrières, est-ce que vous avez des informations sur le passage de maître de conférence à professeur, par exemple voie longue, voie courte, et selon les disciplines, un peu les pratiques qui seraient privilégiées? Alors, vous avez ces données Il me semble qu'on est en train de les récupérer, en fait. Ça fait partie des choses qu'on récupère. Donc pour les disciplines de l'allégation du supérieur, notamment, ça c'est en cours et ça devrait être... Ça devrait être bon. Donc, pas encore, mais oui, probablement. Et peut-être à corréler aussi avec les taux de qualification par discipline, parce qu'il y a des disparités énormes entre le nombre de qualifiés. Ça, on les a. On a uniquement sur les 10 dernières années, je crois. Ouais, 2005-2014, on a les candidatures à la qualification et le fait qu'elles ont été qualifiées. Voilà. Donc, ça donne déjà des idées du taux de pression. Pour dire vite, du marché du travail, des différentes disciplines. Mais pour enrichir votre affaire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi, enfin, je pense que vous y avez pensé, d'avoir des entretiens avec des représentants des différentes disciplines et des acteurs institutionnels qui sont des acteurs de carrière, l'agent des CMU, des différentes disciplines. Parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être une certaine diversité dans les pratiques de gestion des carrières, des universités, etc. J'imagine que... Dans le projet de recherche, ce n'est pas ce qui intéresse le plus, ni le ministère, ni Pierre Michel. Il n'est pas très, pour l'instant, dans cette phase d'essayer de récupérer un peu les représentations disciplinaires ou l'histoire des... Ces choses-là, c'est impératif. C'est impératif, notamment, il y a toute une histoire à faire, ne serait-ce que si on réfléchit à la création du statut de maître de conférence hors classe. Et là, il va falloir, c'est l'histoire récente, mais interroger les gens sur comment ça s'est passé, comment ça a été perçu, qu'est-ce qu'il y avait comme logique derrière ceux qui ont implémenté ce statut-là. Moi je suis complètement convaincu que ça serait en effet très utile. Et j'ai un papier dans les tuyaux sur les co-qualifications au CNU, quels sont les déterminants du fait d'avoir deux qualifications ou plus plutôt qu'une. Et c'est très très lié à la structure du marché du travail en fait. Il y a une corrélation très forte entre la probabilité objective d'obtenir un poste, nombre de postes par rapport à nombre de candidats, et là, le le pourcentage d'individus qui ont plusieurs qualifications. Et donc, ça crée aussi tout un rapport à l'interdisciplinarité, mais aussi très différent selon les disciplines. Et dans ce cas-là, ben voilà, les disciplines de l'agrégation du supérieur, il faudrait vraiment notamment en discuter de près. Une question sur votre propos critique à l'égard de l'analyse des séquences. Vous m'entendez pas ? Oui, je vous entends. Et la question est la suivante. Vous n'avez pas l'impression, en fait, que l'évolution de la littérature sur cette méthode montre en elle-même, en fait, que cette méthode n'a peut-être pas produit les résultats attendus par rapport à quand elle avait été introduite et que. En gros, c'est un peu comme penser une porte ouverte, le fait de dire que l'analyse de séquence a une application, après tout, relativement limitée et pas très stimulante dans notre discipline, quand on sait que la personne qui l'a introduit s'en est éloignée assez rapidement, il a arrêté de l'utiliser, a arrêté de prendre des étudiants qui l'utilisent, a arrêté d'entretenir le logiciel, le premier logiciel qu'il avait programmé. Bon. Concrètement, aujourd'hui, ça concerne combien d'individus les séquences dans la discipline, dans nos disciplines ? Est-ce que c'est un gros business ? Alors, je pense qu'il faudrait quand même distinguer optimal matching d'analyse de séquences, déjà, dans ce que vous relatez. Andrew Abbott a en effet mis de côté cette chose-là, mais comme de nombreuses autres choses, il aime bien... je sais pas, enfoncer des portes fermées et puis les laisser béantes comme ça pour les autres. C'est une approche. Alors, un indicateur quand même de la continuité de l'enjeu autour de l'optimal matching, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le package Traminer sous R. Si on regarde un peu... enfin, si on se met sur la mailing list de Traminer, on va dire qu'il y a quand même une communauté qui est... Si vous prenez les 10 premières revues en sociologie pendant le début des années, quelle est la proportion d'articles qui ont utilisé cette méthode ? J'ai pas fait le compte, je ne le cache pas. Donc, ça peut-être dit quelque chose. Ouais. Bon, j'ai une deuxième question, vous pouvez revenir sur celle-là. On vous a posé plein de questions, en fait, sur les effets de telle variable, etc. Vous avez donner l'impression de répondre en disant oui, bon, finalement, les trucs croisés, ça va fonctionner. Peut-être. Ensuite, si la question se pose de comment mettre ensemble tous ces différents effets, savoir quel est leur poids et leur valeur propre au sens d'épuré de l'effet des autres, peut-être que des trucs croisés, c'est pas suffisant. Certainement. Et de ce point de vue-là, je me demandais pourquoi, puisque vous avez donné durée, vous n'investissez pas en fait des modèles de durée. C'est une naturelle qu'on pourrait faire, puissante, avec une littérature. Là, pour le coup, c'est un gros morceau. Pourquoi se lancer dans l'analyse des séquences? J'ai envie de... Ça va permettre de faire la transition entre la première et la deuxième question. En gros, pour dire vite, le développement de la littérature sur l'analyse de séquences, ça a été en gros 20 ans, une surfocalisation sur l'optimal matching. Et ensuite, là, sur les 10 dernières années, quand même un foisonnement des usages et un certain nombre d'innovations méthodologiques, à mon avis, qui sont importantes et qu'il ne faut pas... négligé, et c'est pas parce que les revues dominantes de la sociologie n'ont pas tendance forcément à énormément publier ce type de travaux, et au contraire à publier beaucoup de choses qui sont des modèles de durée, qu'il faut sous-estimer l'intérêt heuristique. Et justement, la question de la comparaison entre les modèles de durée, donc Event History Analysis et l'analyse de séquences, c'est un vrai enjeu. Pour le moment, il n'y a pas de trait d'union qui a été fait entre ces deux communautés de chercheurs et entre les deux méthodes, alors qu'en fait, je pense qu'elles ne sont pas forcément incompatibles par nature. Les gens ont tendance à à forcer un peu les différences en disant qu'il y en a une qui est holiste et l'autre qui est atomiste. C'est vrai quand même, il faut le dire, que la liste de séquences prend en compte à la fois les durées entre événements, mais aussi l'ordre entre les événements et aussi la pluralité d'événements. Alors que les modèles de durée, la plupart des modèles de durée, ça sert à prédire la probabilité de transition en fonction de la durée écoulée entre un événement et un autre, et éventuellement entre un événement et ce qu'on appelle des competing risks, d'ailleurs plusieurs événements concurrents. Mais de manière générale, on va dire que c'est complémentaire à l'analyse de séquence au sens où ça va être très précis pour analyser une transition donnée, le temps entre les deux événements, mais beaucoup moins efficace si on veut un portrait d'ensemble des carrières, des choses comme ça. Donc il me semble que, en tout cas, dans un premier temps, on s'est intéressé à l'analyse de séquence pour défricher, pour connaître bien de manière intime toutes ces données qui sont quand même relativement volumineuses. Et complètement d'accord. Ceci dit que ça serait bien de passer par le modèle de durée pour regarder d'autres choses. C'est certain. C'est certain qu'on va le faire. Donc, et merci. Et juste pour information, Nicolas Robette, qui fait toujours beaucoup d'analyse de séquences, a fait un travail d'analyse rétrospective de toute cette littérature, y compris, il a pu objectiver de manière quantitative avec l'usage de la bibliométrie ces tendances récentes de l'analyse de séquences, et ça va sortir dans un ouvrage collectif sur le parcours d'Andrew Abbott. Okay. D'autres questions? Ah, peut-être juste sur les régressions, puisqu'on parlait d'effets épurés, est-ce qu'il y a eu des. Est-ce que vous avez l'air de dire qu'effectivement vous aviez les mêmes résultats avec les tableaux bivariés, donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun finalement effet que vous auriez pu penser voir avec les tableaux bivariés, enfin les corrélations bivariées qui disparaîtraient en contrôlant selon d'autres variables? Non, il y a des effets de structure qui peuvent justement créer une sorte de myopie. Si on regarde, si on fait des tableaux croisés, par exemple, effectivement, il y a plus de femmes. Par exemple, il y a plus d'étrangers dans. Il y a presque pas d'étrangers dans les détachés du secondaire. C'est par définition. Mmh. Donc, effectivement, si on croise étrangers et type de carrière, il y a des effets de structure qui expliquent en amont ces choses-là. Et le raisonnement « toute chose égale par ailleurs » permet justement de... Mais en même temps, on les savait quand même, parce qu'on a fait des analyses bivariées, mais parfois un peu à la Durkheim dans le suicide, quoi, en zoomant à l'intérieur de telle ou telle catégorie. Et... Oui, voilà. Bah là, dans ce cas, la régression, souvent, ça simplifie, ça évite de faire 10 tables croisées. Non, c'est sûr. Mais ça permettait... Enfin, oui. Enfin, moi, je suis tout à fait... Enfin, j'ai aucune chapelle méthodologique... cette régression, elle a été très utile, mais maintenant c'est vrai que on se dit que tant qu'on n'aura pas la productivité scientifique, on est dans le préliminaire, on essaye justement de nous familiariser, de jouer avec nos données, hein, comme vous avez dit à juste titre, et donc c'est vrai que c'était un jeu bien coloré et qui permettait quand même de voir un peu la morphologie des phénomènes sociaux dans le temps, ce qui est un peu gommé parfois par une régression un peu. Puis, un bon tableau croisé qu'une mauvaise régression. Oui, ça dépend. Non. Bon, je sais pas, j'essayais de finir en. Une dernière question peut-être. Au début de la présentation, vous avez présenté la France comme un cas un peu spécifique par rapport aux autres pays. Et là, votre travail, c'est porté uniquement sur la France, ou vous avez l'intention d'élargir ça? Oui, bah, c'est pour... Dans 15 ans. Vous avez un accord avec tous les ministères. On est, voilà, exactement, c'est ça. Une fois qu'il y a un gouvernement international efficace, on a fait le travail, peut-être. Mais... Non, mais je veux dire, vous n'avez pas un point de comparaison envisageable. On a une piste avec le Canada. Avec le Canada, j'imagine. Ouais, on a une piste avec le Canada. Ouais. Ouais. Il faut réfléchir à comparer le comparable et voir. On a déjà pas mal de boulot sur. Oui, non, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. C'est sûr. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. C'était merci à vous. Tout à fait intéressant. Merci. Merci beaucoup.